Ami humain, bonjour. Nietzsche, la conscience n'est que la pensée sociale superficielle. Écoutez. La conscience est-elle la vraie pensée? La conscience n'est qu'un réseau de communication entre hommes, c'est en cette seule qualité qu'elle a été forcée de se développer, l'homme, qui vivait solitaire, en bête de proie, aurait pu s'en passer. Si nos actions, pensées, sentiments et mouvements parviennent, du moins en partie, à la surface de notre conscience, c'est le résultat d'une terrible nécessité qui a longtemps dominé l'homme, le plus menacé des animaux. Il avait besoin de secours et de protection, besoin de son semblable, il était obligé de savoir dire ce besoin, de savoir se rendre intelligible, et pour tout cela, en premier lieu, il fallait qu'il eût une conscience, qu'il sût lui-même ce qui lui manquait. Qu'il sût ce qu'il sentait, qu'il sût ce qu'il pensait. Car, comme toute créature vivante, l'homme pense constamment, mais il l'ignore. La pensée qui devient consciente ne représente que la plus infime, la plus superficielle, la plus mauvaise, de tout ce qu'il pense, car il n'y a que cette pensée qui s'exprime en parole, c'est-à-dire en signe d'échange, ce qui révèle l'origine même de la conscience. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.